cette année pour Noël, on ne fait rien chez nous. Ainsi on a décidé l'économie. Pas de réveillon avec ma tante Manon. Non, non. Cette année on garde tout notre calme. De cadeaux avec cousin Marco.